t'aimes vraiment le rock, pose cette guitare et branche-toi sur British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut, je m'appelle Manuel Perreux et British Connection m'a gentiment proposé de parler de mon livre sur Chris Cornell qui vient de sortir au printemps chez Camion Blanc. C'est mon tout premier livre, j'écris pas mal sur la musique, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Tartine Ta Culture depuis maintenant 5 ans, mais j'avais jamais pris le temps de passer à l'étape supérieure, vraiment d'écrire un livre. Et l'idée m'est venue naturellement à l'été 2020. Je suis un grand fan de Chris Cornell, notamment avec Soundgarden, et j'étais très surpris de voir que depuis sa mort, personne ne s'était vraiment penché sur sa carrière. Cornell était très connu et respecté depuis l'explosion de la scène de Seattle au début des années 90, mais au final on savait pas grand chose sur lui. Et le hasard a fait qu'un journaliste américain a sorti dans la foulée une biographie sur Cornell, et il faisait un peu le même constat, on trouve beaucoup de choses sur Nirvana ou Pearl Jam par exemple, mais très peu sur Soundgarden et sur son chanteur hyper charismatique. Et ce livre de Corbin Reef, qui s'appelle Total Fucking Godhead, m'a permis de comprendre son parcours, ses influences, et découvrir un paquet d'interviews hyper intéressantes. Et à partir de là, je me suis dit que je voulais vraiment faire mon propre ouvrage sur Chris Cornell, le tout premier en français. Et très vite, l'idée a été de s'écarter du format purement chronologique, déjà parce que je voulais pas faire une simple traduction ou un équivalent du livre américain, mais parce que je voulais mettre aussi en avant plein d'aspects, et pas juste faire une trame qui allait de sa naissance à sa mort. Donc je me suis penché sur les origines de la scène de Seattle, sur l'identité et l'évolution de Soundgarden, et je voulais aussi prendre le temps de parler d'Audioslave, son groupe qu'il avait avec les anciens Rage Against the Machine, de son side project Temple of the Dog, ou encore de sa carrière solo. En fait, je voulais détailler tout ce qui faisait Chris Cornell, des évidences mais aussi des aspects méconnus ou sous-estimés, et comme ça j'ai déroulé 10 chapitres, chacun sur un thème différent. Par exemple sa voix, sa personnalité sur scène, son style d'écriture, ses engagements ou encore sa relation avec la nature. Ça m'a facilité l'écriture et je voulais que les lecteurs et lectrices puissent choisir de passer d'un chapitre à un autre, pas forcément dans l'ordre. Et il y a des moments d'analyse, d'autres qui sont plus narratifs, et au fur et à mesure j'avais l'impression de construire un labyrinthe avec des chemins qui se recoupent. Et je trouvais que ça marchait bien parce que Chris Cornell était un personnage un peu mystérieux et sa musique l'était tout autant. Il y avait des sous-couches, des subtilités, des paradoxes aussi, et autant je voulais mettre ça en lumière, autant je voulais garder une part d'ombre, expliquer, montrer, mais pas trop décortiquer au point de perdre la magie. Et ce qui ressortait souvent, c'était des contrastes assez forts. Sa voix était douce et agressive, il était à la fois charismatique et introverti, il écrivait des textes hyper abstraits, mais pouvait être aussi très direct et sincère. D'où cette impression assez nette d'un artiste brillant mais sombre, ce qui m'a donné l'idée du titre du livre Chris Cornell, Clair-Obscur. Et je pense qu'un des meilleurs exemples de sa carrière pour bien saisir ce mélange, c'est le morceau qui finissait régulièrement les concerts de Soundgarden, une montagne russe d'intensité qui s'appelle Slaves and Bulldozers. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. We'll be right back. Donc c'était Slaves and Bulldozers, troisième piste de l'album Bad Motorfinger, qui a été un peu celui qui a révélé Soundgarden au grand public. Coup de bol ou pas de bol, c'était en 1991, au moment où la scène qu'on a appelée grunge a explosé, et ils ont été à la fois hyper médiatisés et en même temps dans l'ombre de Kurt Cobain ou Eddie Vedder. Mais en fait, le groupe existait déjà depuis 7 ans. Chris Cornell, qui était à la base batteur, s'est mis au chant un peu par nécessité quand Soundgarden s'est formé. Et ils ont vraiment été parmi les plus actifs de la scène rock locale, sachant qu'à l'époque, bah, tout le monde s'en fout. Ils sont à Seattle, écartés du reste, les groupes d'ailleurs viennent pas souvent jouer chez eux, et eux-mêmes ont pas trop l'opportunité de se faire connaître ailleurs. Donc on a une poignée de fans de rock qui vont faire leur propre scène, ils écoutent plein de trucs différents, et ils se posent pas trop la question des genres et des codes. Ils sont très punk dans le fonctionnement, mais dans la musique, c'est bien plus varié. Et donc ces dizaines de groupes, leur public, bah c'est eux-mêmes. Ça crée une forte camaraderie qu'on a rarement vue dans le rock. Et là-dedans, Soundgarden, c'est déjà un cas à part. Ils ont des influences qui vont des Beatles au post-punk, ils imposent très vite un son large et intense, une ambiance puissante et brillante avec laquelle Cornell doit rivaliser. On les a vite comparés à Led Zeppelin, ce qui n'était pas forcément un compliment à l'époque, mais qui montrait déjà l'impact que le groupe pouvait avoir avant le grand succès. Et c'est vraiment avec Bad Motorfinger en 91 qu'on arrive à la version définitive de Soundgarden. Matt Cameron à la batterie, Kim Thayil à la guitare, Ben Shepherd à la base, et donc Chris Cornell en chanteur-guitariste, avec des délires rythmiques et mélodiques à foison, mais toujours avec de l'énergie, du groove et de la profondeur. Et à cette période, Cornell est vraiment une bête de scène. Il saute partout, il joue avec le public, au point qu'on va lui donner cette image d'icône grunge. Cheveux longs, torse nu, short et bottes noires. Il a une vraie présence, mais c'est jamais une posture. Déjà parce qu'il était déjà comme ça avant d'être connu, un peu dans son monde, dans son personnage, et qu'il supporte pas que les rockstars soient comparés à des messies. Cornell avait de l'ambition pour sa musique, mais il s'est toujours méfié du business, de la surmédiatisation. Il souffrait aussi de dépression depuis qu'il était jeune, et il pouvait un jour se sentir capable de tout, et le lendemain se détester. Et au fur et à mesure, on va voir Cornell s'ouvrir, s'accepter un peu plus, ou en tout cas être capable d'exprimer des sentiments, et musicalement assumer de plus en plus ses influences. Entre sonorités blues-rock, post-punk, metal, surtout stoner, ou encore psychédélique. Ça va aboutir en 1994 à l'apogée de Soundgarden, l'album Super Unknown, qui va devenir un énorme succès critique et commercial, et être un peu le point culminant du rock de Seattle. Un disque ultra complet avec des gros tubes comme Black Hole Sun ou Spoonman, le très touchant Fell on Black Days, ou encore le dernier morceau que Cornell a écrit en trouvant un oiseau mourant devant sa fenêtre, une envolée poétique baptisée Like Suicide. British Connection, c'est bon, c'est chaud et c'est gratuit. We'll be right back. Après Superunknown, Soundgarden avait l'air au top, mais en fait ils avaient déjà donné beaucoup physiquement et moralement. Ils vont refaire un album assez sous-estimé, Down on the Upside, mais contre toute attente, ils vont se séparer subitement début 1997. Ils ont besoin d'une coupure, et Chris Cornell va alors démarrer sa carrière solo, qui sera plus mélodique, plus pop-rock, et qui montre aussi qu'il va pas forcément très bien. Il va y avoir pas mal de changements successifs dans sa vie, ses problèmes d'alcool deviennent évidents, et il se sépare de sa femme avec qui il était depuis les années 80. Et c'est là que débarquent les musiciens de Rage Against the Machine, avec le producteur Rick Rubin, parce qu'ils veulent créer un nouveau groupe avec Cornell. Ça va mettre un peu de temps, mais en fait, il y a une alchimie naturelle entre eux, ils ont pas mal de choses en commun, et ils ont sans doute besoin à ce moment-là d'un nouveau souffle dans leur carrière. Et c'est comme ça que naît Audioslave. Le premier album éponyme sort en 2002, c'est clairement une libération pour Cornell, et des moments défouloirs, d'autres beaucoup plus mélodieux. La presse va pas forcément étendre avec Audioslave, mais il y a clairement un truc à creuser. Un peu plus de deux ans après, le groupe sort Out of Exile, donc Hors d'Exil, qui montre un côté plus apaisé, plus mature. On sent qu'ils ont tourné une page, et que Chris Cornell notamment va mieux. Ils ont trouvé leur identité et ils assument plus leurs principes. En mai 2005, ils vont notamment aller faire un concert gratuit à Cuba, ce qui était inédit pour un groupe de rock américain. Malheureusement, le groupe ne va pas durer au-delà du troisième album, pour différentes ambitions personnelles, et c'est vraiment dommage parce qu'ils commençaient à avoir leur propre identité et ils avaient une sacrée énergie en live. Cornell va prolonger sa carrière solo, tester des choses très différentes, et surtout se spécialiser dans les lives acoustiques, où il peut vraiment montrer tous ses talents de chanteur. Il va ensuite reformer Soundgarden en 2010, refaire un album qui s'appelle King Animal, qui donne presque l'impression que le groupe ne s'est jamais arrêté. Et tout va soudainement s'arrêter avec son suicide en 2017. Au final, même s'il y a cette fin tragique et qu'il y a un goût d'inachevé, Cornell a montré une vraie évolution, personnelle et musicale, et même quand ça n'allait pas, toujours ce besoin d'avancer. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre. Et pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection, un de mes titres préférés d'Audioslave, où Cornell parle de toutes ces choses qu'il aime parce qu'elles ne lui rappellent rien d'autre. Merci beaucoup pour votre écoute, un grand merci à British Connection, et je vous laisse avec Doesn't Remind Me. 1982-2022, British Connection, votre émission rock à 40 ans. Putain, tu les fais pas! Face. making guitars, 'cause it doesn't remind me of anything. I like playing in the sand. What's mine is ours if it doesn't remind me of anything. Retrouvez le livre Chris Cornell, Clair Obscur chez Camion Blanc, écrit par Manuel Perru. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, c'est le premier album de Ville d'un Fantôme. Salut à tous, vous êtes sur British Connection. C'est Pierrot de Ville d'un Fantôme qui vous parle. Voici notre message. Non, faudrait pas quand même. Que l'on prenne. Les messies. Pour des lanternes. Je répète, faudrait pas quand même que l'on prenne les messies pour des lanternes.